نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلازلنا مع كتابنا الإعلان ببعض الأحكام السلام لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجاس رحمة الله عليه رحمة واسعة، وقد تكلمنا عن بعض مواضيع. وقبل البدء، فأريد من الحضور أن يجيبوا على بعض الأسئلة فيما تحدثنا من قبل. Donc nous sommes toujours avec notre livre Al-I'lam bi ba'd al-ahkam al-salam de Cheikh Ibn Bajaz rahimahullah. Et on a vu quelques points auparavant, donc dans les deux cours auparavant. Et je voudrais juste donc essayer de remémorer donc nos cervelles ou nos, est-ce qu'on est capable donc de se souvenir de ce qu'on a vu auparavant. Donc lorsqu'on avait parlé du man yabda'u bis-salam, donc j'avais parlé de qui commence par le salut. Donc qui peut me dire par rapport à celui qui est assis et par rapport à celui qui marche, qui va saluer en premier? Donc celui qui marche, al-mashi na'am. Donc tu salimu al-mashi ala al-qa'id, al-qa'idi. Et on avait dit que al-qa'id c'est toi. C'est qui? C'est celui qui est assis tout simplement? Ou c'était en vérité même plus large que ça? Donc on a vu que c'est le fait que celui qui est stationnaire. Donc qu'il soit assis, qu'il soit debout, qu'il soit en vérité aussi allongé, ou qu'il soit appuyé sur quelque chose ou quoi, qui est accoudé ou quoi. Donc c'est lui qui est en vérité. Donc aussi on a vu aussi, donc, tablir as-salam, irsal as-salam. Le fait de, si je dis à quelqu'un, si tu vois un tel, passe le salam, c'est quoi le hukm de cela? Ma al-hukm, hein? Ma al-hukm irsal as-salam. C'est une amana. Donc si c'est une amana, c'est quoi? Ça devient wajib. Ça? Donc c'est une obligation. C'est wajib. Et comment la personne aussi, elle va répondre? Donc on a vu deux façons de répondre. Comment elle répond la personne? Celui qui reçoit ce salut, qu'est-ce qu'il répond? Donc alayka wa alayhi salam, ou bien alayhi salam tout simplement. Mais min al-adab, c'est de rajouter wa alayka wa alayhi salam. Donc tu peux dire alayhi salam. Ça c'est le fard de la réponse. Mais si tu rajoutes alayka, en vérité, donc tu as rajouté quelque chose de sunnah à l'intérieur. C'est en vérité un adab vis-à-vis de la personne qui a transporté ce dépôt. Hein, ouais. C'est comme si c'était min al-amilin alayha. On ne laisse pas tomber les gens qui, justement, qui vont avoir dans le domaine. C'est la même chose dans la zakat. Celui qui va récolter la zakat, il a le droit de la zakat. Il y a des fawaïd dans ça. Il y a des hikam. Les sagesses, c'est justement qu'il ne soit pas touché. Il prend des biens, il prend rien. Il vient, il les dépose, il ne touche pas un centime. Pour pas que quoi que ce soit rentre dans son cœur, on lui donne. Ça ne va pas le pousser à voler. Ça ne va pas le pousser à beaucoup de choses. Il y a des sagesses dessus. Le fait que quelqu'un, si tu, en vérité, de façon générale, si tu utilises quelqu'un pour donner des cadeaux à quelqu'un ou quoi, celui que tu auras utilisé, en vérité, fais lui aussi un cadeau, parce que justement, il y aura justement donner ce cadeau aux autres. Ne le laisse pas comme ça au dépourvu. En vérité, ça, c'est des sagesses qu'il y a à avoir. Et on a vu aussi, pour qui aussi on salue. C'est-à-dire, pour qui on peut se lever par rapport à Qiyam lorsqu'on veut saluer quelqu'un. Est-ce qu'on se lève pour une personne qui rentre comme ça? Pour un rajoul, le fait qu'il est important, on se lève. Est-ce qu'on se lève pour lui? Là. Donc ça ressemble à qui? Ça ressemble à quel peuple? On avait dit que ça ressemble à qui? Les Romains et qui encore? Et les Perses. Et si c'était par exemple le père avec le fils ou le fils avec le père, on peut ou pas? C'est quoi l'épreuve? Hadith 2, Fatima avec le prophète Sam, donc vice versa, et ainsi qu'aussi et l'époux et l'épouse, c'est permis aussi, donc ça reste pareil. Non. Et on a vu aussi donc par rapport au Tarq al-Salam, le fait de ne pas saluer celui qui faisait donc les grands péchés, mathalan, hein, donc continuellement, ainsi que celui qui faisait donc celui qui commettait donc des innovations. Et on a parlé par rapport aux règles de Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Donc celui qui faisait un péché en vérité en secret, on ne le propage pas sans qu'il y ait une raison de le propager. Mais on ne le dit pas aux gens. S'il le fait en public, c'est différent. Si maintenant il faisait une bid'a, on a vu que c'était selon les cas. Selon la force de celui qui peut en vérité faire le hajj, et selon la force de la personne aussi. Est-ce que c'est une personne importante ou pas? Est-ce que celui qui fait le hajj, son hajj va avoir en vérité une influence ou pas? On a vu ça par rapport à la règle de Sheikh Ibn Taymiyyah. Maintenant on va voir المصافحة بعد الانتهاء من كل صلاة مفروضة. Donc le fait de saluer, de serrer la main après chaque prière obligatoire. La personne elle prie, donc elle termine par le salut final, salam alaikum, et elle serre la main des deux ou des trois personnes ou des quatre personnes qui sont autour de lui. Là, de façon générale, il fait un deux. Là où arrive sa main. On voit des fois des gens faire ça. Donc on va revenir à l'asl que nous disait Shir, qui était venu ici, donc Shir Mohamed ibn Ramzan. Hein, donc ce n'est pas un asl qui vient de sa part, c'est un asl dans la religion. Quand je dis qu'il nous disait Shir, afin juste de remémorer parce que vous y étiez présents. Donc lorsqu'on dit que ce que disait Shir, ça veut dire que ce n'est pas le muntaha. Quand on dit que Shir a dit, ça veut pas dire que c'est lui qui a inventé cette histoire. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'en vérité, lui, il le propage aussi, dit qui? Du Coran, il a pris à partir du Coran de la Sunna. C'est pas parce que c'est Cheikh qui l'a dit, mais c'est parce que, alhamdoulilah, il a pris lui aussi du Coran de la Sunna. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'en vérité, ce qui compte, c'est revenir aux as, aux règles, aux origines, aux bases, qui sont le Coran et la Sunna authentique, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, ici, Cheikh dit, « Yatasa'alu kathirun an hukmi ma yafhaluhu ba'dul musallin min al-musafahati liman bi jiwarihim yaminan aw shimala ba'd al-farah min ada'i salat al-fariida. » Donc beaucoup de gens se posent la question sur la règle ou le statut plutôt de ce que font certains qui prient lorsqu'ils serrent la main à ceux qui sont près d'eux, qu'ils soient à droite ou qu'ils soient à gauche, une fois qu'ils ont terminé la prière obligatoire. Wa qad ajaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah عن هذا التسول فقال. Donc Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il répond par rapport à cela. Donc à partir du moment qu'il répond à cela, on comprend que هذا الفعل قديم. Cette bid'a, hein, parce que c'est une bid'a et on la verra, elle est déjà ancienne. Donc c'est pour ça que les gens ils sont touchés, les vieux, les personnes âgées, parce que des fois ils ont vu leurs parents faire. Donc ils ont eu entre guillemets un salaf sans bien sûr vérifier la règle, sans respecter la règle, mais ils ont vu des gens faire ça avant eux. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit المصافحة عقب الصلاة ليست مسنونة. Le fait de serrer la main après la prière, c'est pas une sunna. Ça ne fait pas partie de la voie. بل هي بدعة. Mais c'est plutôt une innovation. والله أعلم. Donc انتهى كلامه dans le Mejmour 23e tome, page 339 pour les frères qui veulent y retourner. وما أجمل ما قاله ابن الحج rahimahullah ta'ala mwassiyan talib al-ilm. Donc Ibn al-Hajj rahimahullah, afin de conseiller l'étudiant en religion, il conseille ici celui qui recherche la vérité dans la religion. Wa yanbaghi lahu an yamna'a ma ahdathuhu min al-musafahati ba'da salat al-subh wa ba'da salat al-'asr wa ba'da salat al-jumu'ah. Donc on comprend que ça a commencé avec quelques prières, comme il dit ici Ibn al-Hajj, dit que normalement il est fortement demandé que ceux qui connaissent la religion, tolab al-ilm, donc il veut dire en vérité les imams, hein, ceux qui font les khutbah, ceux qui enseignent les gens la religion, ce sont les tolab al-ilm de façon générale. Ils vont venir, ils vont interdire cela. Ils vont expliquer à leur communauté que cela ne fait pas partie de l'islam. Hein, le fait de serrer la main après sopr, après la asar et après le jumu'ah. Regardez, ils ont bien choisi parmi les prières les plus importantes. Hein, ils ont choisi le bardain, ils ont choisi salat al-jumu'ah. On voit qu'ils n'ont pas choisi toutes les prières tout de suite, de façon générale. بزاد بعضهم Donc on voit qu'il y a eu après un rajout, Belzada Bardoum, et voir d'autres ont rajouté, ils ont fait en vérité, après ils ont commencé à serrer la main tout le temps. Au début, ils serraient la main que après le Sokh, après l'Asar et après le Jumu'ah. C'est bien là. Mais simplement, ils ont plus quoi? En vérité, fait pire que cela. Ils ont augmenté, ils ont rajouté dans cette bida. Donc c'est un autre savant qui parle. On a Shir Sam Temia qui parle, et on a un autre savant qui parle. Et qui dit, tout cela fait partie des innovations. Donc ça ne rentre pas dans l'asl. Et c'est quoi l'asl? C'est justement, faire ma'mourou bihi. C'est un acte où on a été ordonné de le faire. Qu'il soit, quand on dit ma'mourou bihi, c'est-à-dire ordonné, pas dans le sens que c'est une obligation, ou même si ce serait une sunna, dans le sens où il y a un talab, il y a une demande. Ou bien c'est une obligation, ou bien c'est une... quoi, c'est une sunna. C'est ça lorsqu'on dit ma'mourou bihi des fois. Dans le sens où on a un texte, on a une preuve que cela existe. Mais comme ça n'existe pas, on ne le fait pas. Car ça fait partie de la religion. Et dans la religion, on n'invente pas. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour cela. Donc cela nous suffit. Il nous suffit de suivre ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir été obtenir justement l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et aussi, wa mawdi'u al-musafaha fi shar'i innama huwa 'inda al-liqa' al-muslim li akhihi. Tandis que quand est-ce qu'il est demandé de saluer son frère? C'est lorsqu'on rencontre son frère. C'est ça le salut. Quand est-ce que tu fais en vérité, tu te salues, tu serres la main, c'est-à-dire à ton frère. Tu serres la main à ton frère lorsque tu le rencontres. Tout simplement. La fi akbar salawat al-khams. Mais pas après les prières, les cinq prières, donc les prières prescrites, celles qui sont obligatoires. Wa dhalika kulluhu min al-bid'ah. Et tout cela fait partie des innovations. Fa haythu wada'a shar'u nad'uha. Donc là où l'islam ou la législation de l'islam l'a déposé, on la dépose. L'islam a légiféré de saluer, de serrer la main quand? Lorsqu'on rencontre notre frère. Donc c'est là qu'on le fait. On ne choisit pas d'autres moments, on n'invente pas des moments. On ne va pas inventer de moments. Fayunha an dhalika wa yuzajjaru fa'iluh. Donc on va interdire cela. Il faut en vérité donc éduquer notre communauté à lui expliquer que cela, bien sûr, ne fait pas partie de la religion. Et bien sûr, on lui dit, donc yuzajjar, dans le sens en vérité, c'est la personne continue, pour celui qui a les moyens, pour celui qui a les capacités, et pour celui dont sa façon de faire, elle va en vérité avoir une influence sur la personne. Elle peut être dure s'il le faut, dans la façon, on comprend, avoir des mots qui seront un petit peu durs pour que la personne en vérité réfléchisse. Mais si toi tu es un inconnu chez lui, c'est pas la peine d'être dur. Il va juste voir un inconnu être méchant avec lui, et partir, il ne va pas comprendre. Donc il faut toujours en vérité toujours calculer comment on doit faire cela. Lima ata min khilaf as-sunna. D'accord, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est dans le livre, donc El Matrel, deuxième tome, pour toujours ceux qui veulent revenir, page 233. Wa qala al-allama ibn Hajar al-Haythami ma yafhaluhu an-nas min al-musafaha 'aqiba as-salawat al-khams makruhatun la asla laha fi ash-shar'. Donc al-Haythami rahimahullah ibn Hajar, il dit, ce que les gens font lorsqu'ils se serrent la main après les cinq prières, c'est détestable. Et ce n'est pas makruh dans le sens shar'i. Il ne faut pas comprendre que c'est makruh dans le sens que c'est shar'i. En vérité, que lorsqu'il dit makruh, c'est-à-dire que c'est détestable. En islam, on n'aime pas ça. Parce que, qu'est-ce qu'il dit après? Il donne l'exemple. Il dit pourquoi? Car ça n'a pas d'origine dans la législation. Et à partir du moment que, c'est quoi le bila? C'est chier en vérité, murtala, fit din. C'est quelque chose qui a été rajouté. Là, aslalahu fit din, à son origine. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas d'origine. À partir du moment que Shir a dit la aslalaha, on comprend quoi? Que c'est automatiquement une bid'a. Une innovation. Quelque chose d'inventé dans la religion. Waqad ashara ba'd al-ulama ila anna al-musafahata ba'd as-salat min sunan al-rawafid. Khadalahum Allah. Donc, dans l'imam, yani al-allama al-laknawi. L'allama al-laknawi qui dit ça, rahimahullah, dans son livre qui s'appelle Si'aya ou bien Si'aya. Donc il dit bien que ça, c'est Rawafid qui faisait ça. Min Rawafid. Et c'est pas étonnant que d'autres actes qui sont dans la prière, ils viennent de Rawafid. N'est-ce pas que certaines personnes, lorsqu'ils terminent le tahiyat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça, il termine, il claque ses mains. Intaha. Il fait ça, il fait tahiyat. Lorsqu'il s'enlève, qu'est-ce qu'il fait après dans son genou? Il fait ça, il termine comme ça. Qu'est-ce qu'il termine comme ça avec la prière? Shia Rawafid. Il y a pas, il y a, ça serait pas étonnant qu'en vérité cela, ils ont pris de cela. Alors que ça ne fait pas partie d'islam. Rawafid, ils ont propagé certains actes. Ils ont propagé certaines choses chez les sunnites, car ils ont quand même donc voyagé. Ils ont été présents à certaines époques et à certains endroits. Naam. Donc vous voyez ce qu'il dit. Certains ulama qui disent ça. Donc il n'y a pas un seul alim. Ils disent, Ba'd ul-ulama, certains ulama disent cela. Et après, une fois qu'en vérité tu as vu, donc maintenant que les ulama ont dit cela, donc il t'est demandé, en vérité, de délaisser cela. Alhamdulillah. Le musulman, il est là pour conseiller. Le musulman, il est là pour enlever. Lorsqu'on dit c'est une bid'a, c'est pas pour jouer les durs. Là, c'est pour y arriver, c'est pour te ramener vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. C'est pas méchant. Au contraire, c'est gentil. Car en vérité, on te ramène vers qui? Vers la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui que tu aimes bien. Mais pas vers la voie que Wahed, voilà, Moukine, tu l'aimerais pas. Moukine, si tu savais c'est qui est-ce qu'il a ramené, tu vas, et puis tu sais comment qui est dans la religion, tu vas jamais l'aimer. Alors, pourquoi tu le suis? Des fois, on sait même pas d'où on vient, d'où ça vient, ça. On sait que c'est venu chez des peuples, et si on connaissait exactement la première personne qui nous a ramené ça, on va la détester, totalement la détester. Et lui, il fait partie de qui? De ceux qui vont être refoulés, fait le haoud. Ils vont être refoulés dans le bassin, yom al-khiyama. Lorsque le Nabi sallam, il va dire, sahabi, sahabi. Mes compagnons. Et que les anges vont dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Donc, pourquoi on suit d'un inconnu? Nous, alhamdulillah, on a une religion, on a un islam. Et l'islam, elle se différencie avec les autres religions sur plusieurs points. Et parmi les points, c'est l'isned, la chaîne de transmission. On sait qui a pris, qui a pris, qui a pris, qui a pris. Les ulama, ils ont voyagé, ils ont souffert pour un hadith. Hein? Et s'ils voyaient que, avec les règles qu'ils avaient, qu'il était faux, ils les délaissent tout de suite, ils repartent. Ou ils arrivent, ils voient la personne avec un mauvais comportement, ils prennent même pas de lui. Ils voient qu'il fait des hiyel, ils voient qu'il joue. Eh bien, ils ne prennent pas du tout de suite. Parce qu'ils savent que c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, il faut faire attention en vérité à ça. Il faut en vérité aimer, justement, ce qui est authentique. Il faut aimer ce qui est vrai. Il faut en vérité avoir un amour fort dans le Coran et la Sunna authentique. Ce n'est pas quelque chose de bassette. Donc, on a vu Akul Hal par rapport à cela. Et maintenant, on entre dans un deuxième chapitre. Salamu al-mu'minina ala l'imam ba'da kulli farira. Aussi, des fois, on voit certaines personnes qui se lèvent, ils vont saluer l'imam. Après les salawat. Ils viennent, ils vont saluer que l'imam. Aussi. La même chose. وَهَدَا لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِمَا يَعْلَمُ الشَّيْخَ رَحْمَ اللَّهُ. Donc, il n'y a pas de preuve que cela n'a pas été en vérité rapporté de la part du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. أَنَّ أَحَدًا أَسَلَّمَ عَلَيْهِ بَعْدَ إِنْ صَلَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ. On n'a jamais vu les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a jamais entendu, il n'est pas écrit cela, dans aucun texte, que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venaient saluer le prophète après la prière. Il n'y a aucune preuve par rapport à cela. وَقَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَكَانِهِ وَقَدْ كَثُرَ نَقْلُوا الصَّحَابَ لِمَا يَحْدُثُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا عَنَ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam, حَتَّى تَعْلَمَ أُمَّةً فَتَعْلَمَ بِهِ فَقَدْ يَعْنِي صبر الصحابة جهد انصرافه من الصلاة من اليمين أم من الشمال أم يعني من اليمين أم من الشمال. Ils veulent dire ici en vérité comme quoi les compagnons ils ont tout raconté, surtout par rapport au sujet de la prière, au point ils ont même raconté comment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait après la prière, et même de quel côté il partait, comment il se positionnait, s'il partait comme ça, il partait, ça devait se souvenir des détails. Ils auraient oublié le fait de dire qu'il salue, ils n'auraient pas oublié. Donc on voit qu'ici, les compagnons, ils ont quoi? Ils ont l'importance, parce qu'ils ne l'ont pas rapporté. Et c'est des gens qui viennent avec des détails de la religion, et ils ne l'ont pas dit. Ils ne auraient jamais délaissé ça. Jamais, au moins on aurait trouvé au moins un qui leur a raconté. On n'a même pas un. On n'a personne par rapport à ça. Donc ils ont vraiment même tout dit vis-à-vis de Al-Fadh. Ils ont tout dit ce qu'il disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On connaît même l'intensité de la voix. On connaît même que les compagnons disaient qu'on entendait le rappel de l'autre. Lorsqu'il dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Il le disait une voix suffisamment forte pour que le voisin l'entendait. Donc on a même des détails par rapport même au son, c'est-à-dire à l'intensité du son. C'est pour montrer comment ils étaient les compagnons du prophète. Que ce soit au niveau de la parole et que ce soit au niveau des gestes. Tout était en vérité raconté. Ils ne délaissaient rien de cela. Parce que c'est ça en vérité, ceux qui aiment la religion, ils aiment entrer dans les détails. Ils racontent tout. Et il n'y a rien par rapport à tout ça. Il y a pas tellement qu'on réfléchit et on voit que, bien sûr, cela, en vérité, beaucoup hein, de gens font en vérité cela. Et cela ne fait pas partie aussi, en vérité, donc, de l'islam. Ne fait pas partie ni de la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni de la voix des compagnons du prophète, radhiyallahu anhum. On passe au troisième chapitre, Ziyada, Bad wa barakatuhu fi salam ibtida'an wa raddan. Donc, ce qui est connu, hein, le mashrou', hein, ce qui est connu par rapport à cela, donc c'est le fait de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ça, c'est ce qui est connu. D'accord ? Donc, ici, il y a un hadith donc, qui est rapporté par Abu Daoud, où Imran ibn Hussein, radiallahu ta'ala anhu, rapporte جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم رحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم رحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون صدر وبرتاح par rapport au حسن par rapport au point. Donc 10 c'est pour celui qui dit salam alaykoum, 20 pour celui qui dit salam alaykoum rahmatullah, et 30 pour celui qui dit assalamu alaykoum rahmatullah wa barakatuh. Le Hafid fil Fath al Bari, donc celui qui est le Hafid ibn Hajar rahmatullah, pour expliquer Fath al Fath, il a duré 26 ou 27 ans à peu près, 23 ans. Il est resté 23 ans à expliquer ce livre là donc à partir du moment que tu dures 23, pendant 23 ans tu as besoin d'expliquer un livre comme ça, c'est qu'on voit qu'il va prendre, en vérité, il va l'expliquer de la meilleure façon. Il prend, c'est pas qu'on va dire qu'il a pris son temps. Il faut du temps de toute façon parce que c'est un grand livre. Mais en plus, il va le faire de la meilleure façon automatiquement avec le temps qu'il a pris. Donc il vient expliquer, le Hafiz yani fi al Fath, il dit wa ala hada al hadith li akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa An-Nasa'i wa li bi sanad qawi qala Ibn Muflih al Adab al Mufrad bi ismi isnad jayyid. Donc il dit par rapport à ça, donc il va dire, lui il donne la chaîne de transmission et il dit en plus qui l'ont pris. Il ne s'arrête pas le Bukhari. Il va donc même expliquer. Et il dit, donc Abu Huraira, dans une autre version, il dit que c'est Ashru Hasanat, ou bien Ashru Hasana, ou Tlatun Hasana. Donc ici, hein, donc on voit Ashru Hasanat, 10, ou bien Ashru Hasana, ou Tlatun Hasana. Donc c'est par rapport au Hasanat. 10, 20, 30, qu'est-ce que ça veut dire Hasanat. Ça veut dire ici Hasanat. Et ça, bien sûr, on a par rapport à Al-Qurtubi, par rapport au verset qu'on a vu la dernière fois dans Surat An-Nisa. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Donc, si on vous salue d'un certain salut, répondez de meilleur que ça, ou bien répondez de la même façon. Si quelqu'un te dit salam alaikum, donc tu dis salam alaikum. Si quelqu'un te disait salam alaikum rahmatullah, réponds à partir de cela, à partir de rahmatullah. Ou mieux. Mais tu t'arrêtes pas en vérité à salam alaikum par rapport au verset. Par rapport à ce qu'on voit, hein, au verset. Donc tu vas répondre lorsque Didi dit par rapport à l'ahsan. Donc on a dit, si quelqu'un te dit salam alayka, tu diras salam alayka wa rahmatullah. Parce qu'on peut dire alayka. Les gens, on a énormément l'habitude d'entendre assalam alaykum pour tout le monde. En vérité, lorsque tu es avec un seul frère, dis assalam alayka. Salam alayka. Yakfi. Il est seul. Pas besoin de rajouter, en vérité, de rentrer dans le djama. Le mieux, c'est en vérité de le faire en vérité fardan. Tu vois? Et aussi, donc, par rapport à ça, donc c'est le Nihaya. Donc, les Shir, ils voient que, par rapport à la Ziyada, on ne va pas rentrer dedans, ils voient que la Ziyada, il y a Marferatou, le Shir, il ne la voit pas. Shir ibn Bejah, rahmallah, il ne voit pas cette Ziyada. On sait qu'on peut rentrer dans ce qu'il dit Shir Mokber, rahmallah, ou bien ce qu'il dit Shir Albani, rahmallah, par rapport à cela. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, il dit par rapport à, lorsque il dit, Qala ta'ala, mukhbilan an al bayt al karim. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Donc il dit par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, donc il s'arrête à ça. C'est par rapport à ça, à ce verset. Donc il voit qu'en fait ce qui est le meilleur, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. C'est pour ça. Et on ne rentre pas par rapport à ça, hein, comme quoi que lui il voit que ça s'arrête à ça. Allah a'lam, bien sûr. Donc, on va aussi, par rapport à cela, donc, parce qu'il y a encore, bien sûr, des autres preuves par rapport à cela. Il y a un long hadith qui est par rapport à cela, où Salman al-Farisi, radiallahu anhu, rapporte, donc il dit, Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqal, assalamu alayka ya rasulallah, faqala wa alaykum salam, wa rahmatullah, thumma ja'a akhar, faqal, assalamu alayka ya rasulallah, wa rahmatullah, faqala lahu nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa alayka salam. Donc, dans le premier, qu'est-ce qu'on voit? On voit wa alaykum salam. Un seul homme, Nabi Sami, il répond wa alaykum salam. Dans le deuxième homme, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répond hein, wa alayka salam. Là, il utilise le jam, donc le pluriel, et là, il utilise le singulier. Directement, il se, hein, donc, on va dire, il s'appelle donc directement à la personne, au singulier. Et après, faqala annahu nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa alayka salam, wa rahmatullah wa barakatuh. ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له وعليك فقال له رجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي فقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع لنا شيئا. Donc ici il lui a dit, donc la personne, il lui a dit assalamu alayka ya rasulallah wa rahmatullah wa barakatuh. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il lui répond tout simplement wa alayka. Et l'homme lui dit, ô envoyé d'Allah, donc par, hein, pour toi, par ma mère et mon père, je suis prêt à sacrifier mon père et ma mère pour toi. Un tel et un tel sont venus, ils te saluent, et tu leur réponds. Et moi, tu viens, et tu me salues, tu ne me réponds pas. Il lui dit, donc, tu n'as rien fait en vérité. Donc, tu n'as rien fait pour nous. Et donc après, bien sûr, Allah Azza wa Jalla dit, donc par rapport au verset, « وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا فَرَدَنَّاهَا عَلَيْكِ » Il dit, on t'a répondu, de la même façon. Car en vérité, il a dit, « Assalamu alayka ya Rasulallah » Et donc il avait mis, « ô envoyé d'Allah » directement dans le milieu de cette phrase-là. Il n'a pas terminé. Donc il devait en vérité, le mieux c'était plutôt qu'il termine cela, qu'il en vérité, il termine. Et ici, donc ici en vérité, donc il dit par rapport à ça, parce qu'il dit la ziyada. Il a rajouté quoi? Il a rajouté pourtant au envoyé d'Allah, il a juste spécifié. Il a rajouté au envoyé d'Allah, il n'a pas rajouté un autre truc. Je veux dire par rapport, il n'a pas rajouté par hop, hein, quelque chose qui ressemblerait à la marfira. Il n'a pas dit par rapport à marfira ou bien autre chose. Hein, autre chose qui ressemble à, par exemple, qui serait un synonyme de baraka ou quoi. Là, il a dit au envoyé d'Allah. Dans ça, hein, à l'intérieur de ce salut-là, donc il a fait une ziyada. Il a fait une ziyada, et donc Ibn Kathir dit, par rapport à cela, rahmallah, dans son tafsir, par rapport au verset, tafsir du verset, il dit, wa fi hadha al-hadith dilalatun ala annahu la ziyadata fi al-salam ala hadhihi as-sifa. Assalamu alaykum rahmatullah wa barakatuh. Idh law shur'a akthar min dhalika la zadahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà Ibn Kathir aussi voit qu'il faut qu'on rajoute pas par rapport à cela. Et aussi, pourquoi? Car en vérité, ça c'est quoi? C'est un asl, c'est une origine religieuse, légiférée. Donc c'est une origine religieuse qui vient du Coran et de la Sunna. En vérité, elle vient de la Sunna. Donc ne rajoute pas. Contente-toi à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne vient pas rajouter des choses. Ne vient pas rajouter des choses, comme certains diront, donc de ce que tu as dit, et je rajoute. Il dit tout simplement ça. Wa azid ala dhalik. Il ne va pas faire ziyada, mais il va dire wazid ala dhalik, quand on peut rajouter. Là, taktafi, en vérité, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc, un nabi sallam, il éduque la personne. Il lui dit, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que c'est mardoud alik. C'est rejeté. Pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Tu as entré à l'intérieur de cette sunna une bid'a. Pourtant, il a dit les mots comme il faut. Il a simplement rajouté oh, envoyé d'Allah. Vous voyez un petit peu comment c'est précis? Hein, comment en vérité que la sunna doit rester, en vérité comment elle est. Ça sert à quoi de venir ajouter? Tu rajoutes ça, avec la bonne intention, tu ne sais pas par quoi ça se termine. C'est comme ça que ça commence. Chaque grosse bid'a commence justement par des fois par des petits événements comme ça, et en vérité ça se termine, donc bien plus mal que cela. Même un livre dans le Muwatta, dans une salle de transmission qui est bonne, qui rapporte donc de Muhammad ibn Amr ibn Atta, il dit كنت جالسا عند عبد الله ibn Abbas رضي الله عنهما فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم رحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا بعد ذلك قال ibn Abbas Donc il voyait plus Ibn Abbas avant de mourir. Donc ici, donc Amr ibn Atta rapporte qu'il était assis chez Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, et un homme est rentré chez lui, un homme parmi les gens du Yémen, et lui dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et puis il a rajouté quelque chose après cela. Ibn Abbas ne voyait plus, donc il était devenu aveugle. Man hada, il a dit, qui est celui-ci? قالوا هذا اليمني الذي يخشاك فعرفوه إياه فقال قال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة إلى البركة. Donc ils ont dit, qui est celui-ci? Donc ils ont dit, c'est le Yéménite. Donc ils ont présenté le Yéménite à Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, et il a dit Ibn Abbas, certes le salut se termine à al-baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà comment Ibn Abbas a dit, il termine cela pour dire, donc il a éduqué en vérité, il ne laisse pas les choses passer. Ma'alish s'est trompé, je dis rien. Ma'alish jahil, al jahil yu'allam, tout simplement. Jahil, il était avant de dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, il était aussi jahil de dire ça. Donc il a quand même, s'il a accepté de dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, inshallah il va accepter aussi le reste, d'enlever cette ziyada avant de dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'est avec, il n'est pas né avec. On lui a enseigné, il a accepté. Donc pourquoi il accepte, inshallah, il va accepter aussi le reste. Il faut penser comme ça, il ne faut pas dire que c'est un djahil. Parce qu'il a quand même pu répondre, il a quand même pu saluer, il connaît le salut, il l'a appris. Donc il ne faut pas qu'on dise ça. Il ne faut pas laisser en vérité les gens comme ça, c'est un djahil, ce n'est pas grave. Là, inshallah, il comprend. Est-ce que c'est un trisomie, c'est un handicapé total, il y a du cerveau, je veux dire, que vraiment, pour qu'il ne comprenne pas ça, là, il comprend, alhamdulillah. Donc en vérité, il ne faut pas rabaisser les gens en vérité de moins de ce qu'ils sont. Alhamdulillah, ils sont pas ignorants. Les personnes qui sont des fois âgées ou quoi, on leur apprend et ils aiment. Mais au contraire, ils aiment en vérité apprendre des choses nouvelles. Ils aiment en vérité justement augmenter leur science. Parce que on sait qu'ils ne vont pas augmenter la science de façon continuelle et, je veux dire, lourde, dans le sens où il y a beaucoup de choses. Mais les petites choses comme ça, en vérité, les gens aiment en vérité connaître ça. Ils aiment cela. Et aussi dans le Bayhaqi, fi Shu'ab. Hein, ou Mohammed, donc c'est donc une variante. C'est une variante dans Shu'ab al-Iman. Donc, بيننا أنا عند ابن عباس وعنده ابنه فجاءه سائل فسلم عليه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعدد من ذلك. فقال ابن عباس ما هذا السلام؟ وغضب حتى احمرتني واشتناه. فقال له ابنه علي. Donc son nom s'appelle Ali. يا يعني أبته إنه سائل من السؤال فقال إن الله حد السلام حد ونهى عما وراء ذلك ثم قرأ ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Donc il a récité ce verset. Donc ça c'est dans le Shu'ab, une variante qui va venir en vérité appuyer cela, et la personne elle a rajouté ومغفرته ورضوانه et وعدد من ذلك, et autre chose encore qui ressemble à cela, autre mot. Donc il y a des gens qui ont, ils sont orateurs, ils savent bien parler. Tout de suite, les synonymes, ça sort comme ça, sur place. Ça fait beau. Les gens, ils vont se dire, ça fait beau. Mais c'est pas suffisant que ce soit beau. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ce soit conforme à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ibn Abbas, il dit, qu'est-ce que ce salut? Il s'énerve. À ce qu'on voit, donc, il change de couleur. Il devient rouge. Donc, on voit que son visage change. On voit donc, sur son visage, donc quoi, les traces de la colère. Et son fils, donc son fils le dit, hein, son fils s'appelle Ali, dit, oh père, c'est quelqu'un qui questionne, un questionneur parmi ceux qui questionnent. Donc on comprend aussi que les gens venaient voir Ibn Abbas pour en vérité apprendre leur religion. C'est un moufti parmi les mouftis. Il dit, certes, Allah a délimité le salut et a interdit ce qui va dépasser, ce qui va en vérité outrepasser ce salut. Puis il a lu, donc rahmatullah, on l'a vu tout à l'heure, donc, et la miséricorde d'Allah ainsi que sa bénédiction sur vous, les gens de la maison, certes, il est le louable. Et donc le puissant, le Majid, donc c'est le Majid, le majestueux. Et aussi, donc ici par rapport à ça, donc le Hajar dit par rapport à ça, il dit que c'est Rijaluhu Thiqat. Donc les hommes qui ont transmis ce hadith, la chaîne de transmission, les hommes, ce sont des gens sûrs et certains, ils sont Thiqat, de valeur sûre. Et la même chose, toujours, par rapport à cela. Donc, il y a encore plusieurs hadiths. Donc, je ne vais pas tous les lire dans la Zak, où Ibn Omar aussi, donc, il est dur avec quelqu'un. Il a dit, si tu avais encore... Donc, même si tu le disais... Donc, je vais passer à Kulhel, parce qu'il y a, plusieurs preuves par rapport à cela. Il y a encore d'autres preuves par rapport à cela. Et on va passer, Inch'Allah, à... Donc ici maintenant, assalamu ala al-muslimi, Bilal dit assalamu ala man taba'a al-huda. Donc celui qui salue son frère et qui dit le salut sur celui qui suit la guidée. Sur celui qui suit la guidée. Donc ici, donc, ça devient un salam qui est muqayyad, qui en vérité restreint zama à quoi ? À une catégorie de personnes. Il est muqayyad. Il n'est pas âme. Il n'est pas salam alaikum si tu rencontres un musulman. Là, tu vas le dire à lui, mais il reste muqayyad. C'est-à-dire, si tu ne suis pas la guidée, ben, tu n'auras pas ce salut. Je te le dis, à condition que tu fasses partie de quoi ? Des gens qui donc suivent la guidée. Mais alors, Alain, peut-être que tu ne suis pas la guidée, j'en sais rien. Alors, te salue, peut-être que donc, la part d'Allah, il ne va pas t'arriver. C'est comme s'il disait ça. Et ici, bien sûr, donc, c'était quoi en vérité ici ? C'était pour celui dont on espérait qu'il va entrer dans l'islam. Pas pour le musulman. Hein, donc, parmi les gens qui ont utilisé beaucoup ça, Tekfirioun, il n'y a qu'à voir Feljazaer, donc ils aimaient utiliser ce salut dans les années 90 en Algérie. Donc, Tekfirioun, ces gens-là. Et en vérité, Allah Azza wa Jal, donc il dit ça dans l'histoire de Moussa et de Haroun, alayhim assalam, wa qad jinnaka bi ayatin min rabbika wa salamu ala man ittaba'a al-huda. Et certes, nous sommes parvenus à toi avec des signes de la part de ton Seigneur. Et le salut pour celui qui suit la guidée. C'est-à-dire, si tu rentres dans l'islam, tu auras le salut. Tu auras en vérité le salut de la part d'Allah Azza wa Jal. Wa fi kitab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila Hirqal. Hirqal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Min Muhammadin Abdullah wa Rasuluhu ila Hirqal. Adim, Rome. Assalamun ala man ittaba'a al-huda. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, conformément aussi à ce qu'ont fait les prophètes avant lui, lorsqu'il a écrit à Hirqal, donc il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de Mohammed, hein, donc serviteur d'Allah et son envoyé, à Hirqal, qui est bien sûr la personne la plus importante de Rome. Adim Rome, donc il l'a appelé Adim Rome. Rome, il n'a pas descendu en vérité de sa valeur et lui dit après Salamun ala man ittaba'a al-huda. Salut, ou bien un, hein, donc salut pour celui qui va suivre la guidée. Qui va suivre la guidée. La même chose, donc Akhrajahu ou Akhraja Abdul Razak, An Ma'mar, An Qatada, قال Assalamu ala Ahl al-Kitab, Ida dakhalta alayhi buyutahum. Donc, comment tu salues les gens des livres si tu rentres chez eux? Ton voisin, imagine chrétien, te demande de rentrer, boire un café chez lui, c'est un exemple. Eh bien, tu peux dire Assalamu ala man ittaba'a al-huda. Wa Akhraja ibn Abi Shayba, An Muhammad ibn Sirin, mithlahu. وقد أثر الحافظ ابن حجر رحمه الله سؤالا عند الآية السابقة وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن قيل كيف يبدأ الكافر بالسلام فالجواب ici donc par rapport à ça المفسرون donc les exégètes disent قالوا ليس المراد من هذا التحية وإنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم ولهذا جاء بعده إن العذاب على من كذب وتولى donc ici par rapport à cela, lorsqu'ils répondent ça, ils disent Mufassirun. Donc ils disent comment on va saluer en vérité. Donc comment on commence le salut avec celui qui n'est pas musulman, donc le kafir. La réponse elle est, ça ne veut pas dire ça, tahiyya, par rapport à ça. Ça c'est pas une considération par rapport à la tahiyya, par rapport au salut. Mais ici, dans son sens, ça veut dire, qu'il va en vérité être saint. Il va être protégé du châtiment d'Allah. Hein, donc par rapport à ça. Et aussi, c'est pour ça qu'il vient après par rapport au verset. Certes, le châtiment, hein, pour celui qui quoi, qui ment et qui se détourne. Le châtiment surviendra pour celui qui ment et se détourne. Wa kadha ja'ani fi baqiyati hadha al-kitab. Fa in tawallaita fa in 'alayka ithma al-irisin. Et aussi, donc ici en vérité, ici par rapport à ça, il veut dire qu'il n'y a pas de, qasd, parce qu'on sait que naturellement, tu ne dois pas saluer. Tu ne dois pas commencer par saluer, en vérité. Donc, le KFR. C'est pas toi qui commences par saluer. Mais tout simplement, ici, c'est pas par rapport à ça, parce qu'il lui a écrit. Et, en réalité, si c'était un bonjour, ça n'a rien à voir. Les ulama disent que le fait de dire bonjour au corps n'entre pas dans le salut. Le bonjour, c'est pas une tahiyya, c'est pas tahiyya l'islam. C'est quelque chose qui est mubah. C'est le fait de dire bonjour, même si tu commences. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à cela. En vérité, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Et si. Donc, aussi, si par rapport, toujours par rapport au mourad, c'est pas parce que la personne, en vérité, n'a pas suivi le houda, ça veut dire que vérité, tu ne le salues pas. Et la hikmah par rapport à cela, toujours, hein, c'est quoi, en vérité? C'est que la personne, elle tient à faire, lorsque tu lui prononces ce qu'il y avait ici, donc ici, avec la hikmah par rapport à cela, si tu devais commencer, c'est qu'il va se sentir bien. Tu vas le laisser, tu vas le mettre à l'aise. Tu vas en vérité le mettre à l'aise, tout simplement. Il va en vérité être à l'aise par rapport à cela. Maintenant, on voit As-salam ou bilav, alayka as-salam, bil mufrad. Donc, on passe à un autre chapitre, le fait de saluer, donc, avec alayka as-salam, et à toi le salut. Donc, c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Imam Ahmed et d'autres. Et ça, c'est une variante. Donc, ça c'est la lave de Tirmidhi, de Abi Tamima al-Hujaymi, an rajulin, min qawmihi, wa huwa kama fi riwayat al-okhra, yani, c'est donc le Hujaymi Qadali, qal, yani, طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه فجلست فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله فما رأيت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله قال إن عليك السلام تحية الموتى إن عليك السلام تحية الموتى إن عليك السلام تحية الموتى ثم أقبل علي فقال إذا لقي رجل أخاه المسلم فليقول السلام عليكم ورحمة الله ثم رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك ورحمة الله وعليك ورحمة الله وعليك ورحمة الله فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Donc ici, et on va voir ce qu'ils vont expliquer. Donc je vais dire le hadith et on va voir ce que donc comment on va comprendre ce hadith par rapport à ça. Donc il y a un homme qui a voulu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu, il s'est assis. Et puis un groupe, certaines personnes parmi eux, donc sont venues et ils ne connaissaient pas donc cette personne-là. Donc apparemment il y avait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam en train d'arranger entre les gens. Et lorsqu'il a terminé, donc ils ont dit « Oh envoyé d'Allah ». Et donc il dit, qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit « Alayka salam ya Rasulullah » trois fois. Donc il dit « Alayka salam ya Rasulullah » trois fois. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, donc certes, alayka salam, c'est le salut du mort. Certes, alayka salam, c'est le salut du mort. Certes, alayka salam, c'est le salut du mort. Puis, donc il est venu vers moi, il a dit, lorsqu'un homme rencontre son frère musulman, il lui dit, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et puis, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, hein, wa alayka wa rahmatullah. Hein, donc, wa alayka wa rahmatullah. Wa alayka, donc trois fois. Wa alayka wa rahmatullah wa alayka wa rahmatullah wa alayka wa rahmatullah. Et Tirmidhi, donc il dit que ça hadith est hasan sahih. Et par rapport à ça, c'est que certains ulama, ils ont dit qu'il y a quoi karahia, qu'il est détestable justement de dire alayka salam. Comme Abu Daoud ou Tirmidhi, ils ont carrément donc mis le titre du chapitre de leur livre, Bawabu, hein, karahiyat yani an yaqul alayka salam. Que ce soit Abu Daoud, Tirmidhi. Et il est quoi? Il est demandé donc de ne pas commencer comme ça. De ne pas commencer comme ça par rapport à ça. Donc il voit qu'ici que c'est un nahi, an al-ibtida, du fait de commencer le salut, bihadith sira, min al-ujur, pour plusieurs raisons. Mais tu peux répondre. On a bien vu que c'est par rapport à l'ibtida. Donc tu peux répondre. Malgré que on voit qu'il y a des gens qui le font. Donc il faudrait voir en vérité la masala complètement. Premièrement, c'est qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'amirudda yani alayhi sallam yani fawran. Premièrement, alors pourquoi ils disent que c'est interdit? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu directement à l'alfor. Et on a vu auparavant que répondre au salut, c'est quoi? C'est wajib et à l'alfor. C'est obligatoire et tout de suite. Je te dis salam alaykoum wa rahmatullah, tu pars pas, tu reviens un quart d'heure après, tu me dis wa alayka salam wa rahmatullah. Tu me réponds tout de suite. T'attends pas. Donc c'est wajibun à l'alfor. On a vu ça la dernière fois. Et deuxièmement, annahu sallallahu alayhi wa sallam ankara alayhi hadith sira. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc bien sûr, l'a dénigré dans cette façon de faire, donc dans ce procédé-là, cette façon de prononcer ce salut. Thalith, أنه أرشده إلى صيغة شرعية للسلام فدل على أن تلك الصيغة ليست شرعية. Et troisièmement, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a montré quelle était en vérité la façon de faire, donc dans la législation, et que cette façon de faire, c'était pas dans la législation musulmane. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى يعني نقطة بديعة في صيغ النهي عن قول عليك السلام حيث قال يعني تبع القاضي عياد donc il dit le قاضي عياد l'a dit avant lui donc le Nabi dit huna donc il dit comme qu'en vérité il faut faire attention à cela السلام يعني شرع على الأحياء والأموات. C'est que le salut, il a été légiféré non seulement pour les vivants et même pour les morts. Lorsque tu vas hein, sur les tombes, il y a une dua à dire Assalamu alaikum ahl al-diyar ila akhirih. Bitaqdim ismihi ay ismu salam ala al-musallam alayhi. Donc tu commences par le salut. Le salut, il faut qu'il soit là en prononçant en premier. Donc parce que tu vas saluer celui qui va recevoir ce salut. Donc lui on appelle ça donc al-musallam alayhi, celui qui va donc subir ou recevoir ce salut. Li'annahu du'a'un bi khair, car ça en vérité une invocation pour le bien, c'est-à-dire que tu es en train de faire du bien à ton frère. Wal ihsanu fi du'a al-khair yani an yataqaddama du'a'u bihi ala mad'u lahu. Et donc wal ahsan afwan wal ahsan, ce qui est le meilleur dans la du'a, c'est justement de commencer par lui dire. C'est comme si tu disais barakallahu fik, c'est mieux de dire barak, donc de commencer par le mot baraka pour lui. Donc la meilleure façon, c'est de commencer par ce que tu vas lui dire. Et donner un exemple à l'Azajel, donc ici. Donc il dit rahmatullahi wa barakatu alaykum ahl al-bayt. Donc Allah a commencé par la bénédiction, la miséricorde d'Allah, ainsi que sa bénédiction sur vous, les gens de la maison. Salamun ala Ibrahim. La même chose, il continue. Que la salut sur Ibrahim. Salamun ala Nuh. Salamun ala al Yasin et autres encore. Salamun alaikum bima sabartum. Donc on voit que Allah Azza wa Jalla commençait par justement ce salut là. Amad du'a bi shar, fa yuqaddam fihi al mad'u alayhi. Contrairement quand si c'était une du'a qui était mal, donc ici il va faire quoi? Il dit en vérité ici toi tu vas d'abord dire le nom al mad'u, hein. Donc comme par exemple pour Iblis, que qawlihi ta'ala li Iblis وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي. Donc certes sur toi quoi, donc ma malédiction. Il a commencé sur toi la malédiction, sur toi. Donc il y a une différence avec là. Donc on voit que déjà même dans la façon de faire, c'est différent. Il y en a encore d'autres, il y a encore d'autres versets par rapport à ça. وَعَلَيْهِمْ غَضَبْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبْ. Par exemple عليهم دائرة السوء. Donc on voit Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a en vérité expliqué les du'a de façon adib. Celui qui veut bien comprendre les du'a, il regarde, il suit en vérité ce que Ibn al-Qayyim dit sur les du'a. Je pense pas qu'il va trouver mieux Allah a'lam de comprendre les du'a que par le fait de passer par déjà comme Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sérieusement, quand tu vois tous les détails qu'il donne, c'est trop adib. Donc il dit sir dhalika, le secret de cela en vérité wallahu a'lam anna fi ad-du'a bil khair yani qaddamu ism ad-du'a al-mahboub alladhi tashtahihi an-nufus. Donc il dit pourquoi Allah a'lam, il dit parce que lorsque tu commences par le bien dans la du'a, c'est quoi, tu aimes, tu désires en vérité, tu désires posséder cela. Donc il commence par ce que tu désires posséder, il commence par cela. Donc c'est dit Allah a'lam, il commence par cela, en fait ça t'attire, hein. Wa taqlubuhu donc il dit en vérité, donc il y a ce délice, il y a un délice pour le fait de l'écouter, le fait de, donc d'entendre en plus ce mot-là, et dès le début, déjà l'oreille, quoi, le fait qu'elle entende cette chose-là, ce qui est aimé par toi-même, ce qui est recherché par toi-même, donc le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il assimile et en vérité, il s'imagine déjà. Hein, il assimile et s'imagine déjà. Donc il y a directement en vérité un travail intérieur. فَيُفْتَحُ لَهُ الْقَلْبُ وَالسَّمَعُ. En vérité, donc il ouvre son cœur, s'ouvre. Hein, donc le cœur va ouvrir. C'est le cœur, parce que tout commence par le cœur. Le cœur est en plus en grande relation en vérité avec la vue et l'ouïe. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de ceux qui résonnent, il est tout en train de les mentionner. Al-fu'ad, ou bien le qalb, et le sam'a, ou le basar. Il est tout le temps en train de... Hein, donc le sam'a fouan, ou le sam'a. Hein, le sam'a wa, il y a ni le basa, c'est-à-dire la vue, et le sam'a fouan, l'ouïe. Donc il est tout le temps en train d'associer les trois. Car en vérité, c'est les trois le points, les éléments les plus importants de ton corps. C'est les points, les trois éléments les plus importants de ton corps, avec lesquels il y a ni quoi, t'appelles, bien sûr, c'est le cœur, l'origine. Mais quand tu vois, tu peux lire, tu vois, t'as le mouchahada, tu as une vraie preuve en face de toi. Et quand tu écoutes aussi, la vérité, tu as une vraie preuve. Donc c'est avec quoi tu connais la vérité? Avec ce que tu as lu, avec ce que tu as vu. Et tu connais la vérité avec ce que tu as entendu, hein, aussi. Et tu as besoin de quoi pour tout ça? Tu as besoin de ton cœur pour qu'il puisse en vérité raisonner tout ça. C'est pour ça qu'ici, Ibn al-Qayyim, en vérité, il fait la liaison avec justement avec ça. Avec les trois, en vérité, les membres les plus nobles du corps. Les trois membres les plus nobles en vérité du corps. Et les deux, ils sont en plus ils sont en vérité ici sur cette tête, hein, qui en vérité, la tête, c'est l'élément le plus noble du corps. La tête, parce que le fait qu'il y a les yeux et les yeux et l'ouïe, c'est en vérité l'élément le plus noble du corps. Et pour revenir dans ça, dans il y a le Miftah Tara Sa'ada de Ibn al-Qayyim rahimahullah, il explique tout ça. Donc en vérité, ici, il y a plus, donc il donne plusieurs faïdas par rapport à ça. Donc ici aussi un tambih par rapport à Shir, donc c'est important de le dire. Il dit laisa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fa inna alayka as-salam tahta al-mawta tashri'an wa inna ma huwa ikhbarun an waqi' al-amr alladhi jara yani ala asl an-nas dhalika al-waqt wal ikhbar an al-waqi' la yadullu ala jawazihi fadlan an kawnihi sunnah bal nahyuhu sallallahu alayhi wa sallam nahyuhu sallallahu alayhi wa sallam yani anhu ma ikhbarihi bi uqu'ihi yadullu ala adam mashru'iyatihi wa anna sunnata fi as-salam تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه في السلام على الأحياء والأموات. Donc ici, bien sûr, lorsque au début, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, c'est le salut des morts, ça ne veut pas dire que c'est un salut qu'on a le droit de faire pour les morts. Il ne faut pas comprendre comme ça. Mais c'est tout simplement une annonce que le prophète a dit, que les gens avaient l'habitude de faire ça. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que c'est permis. Ça ne veut pas dire en vérité, donc, de façon générale, que c'est permis. Et je m'arrête là. En vérité, il y a beaucoup de choses encore à dire. Et on le fera, Inch'Allah, plus tard. Donc, donc on le verra, il y a plusieurs choses. On doit terminer le livre dans une autre assise, parce que maintenant, le frère Bouzidi va prendre la place des Arlochel pour justement continuer les questions. Hein, donc, il va répondre aux questions. Fadiat al-Fadal, Meshkut, Meshkoura. Zak al-Lochel. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu anna ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.